Et maintenant, place à notre conte moral chanté hebdomadaire. La scénette de ce matin est en deux parties et s'intitule Phébus et Hortense. Madame Carne de Carnavalin interprétera le personnage d'Hortense et Monsieur Boulingras celui de Phébus. La première scène se déroule dans un jardin public. Les oiseaux convolent en danse, les escargots roulent à leur passe. Oh, c'est la saison des amours, je trouve celle qui est toujours. La douce Hortense qui est mon amour et ma défense. Dernière scène a lieu chez Phébus. Oh, c'est terrible, ma chère âme. C'est vraiment horrible, madame. Elle n'est plus dans la maison. M'a dérobé sans raison, ma chère et jolie pince à sucre. Votre pince à sucre. Ça, monsieur, vous me décevez. Vous êtes ce que vous avez. Et c'était pour votre richesse. Que les hommes sont stupides.